France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac, dont nous allons parler en Corse avec notre invité Paul Ortoli. Bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste à France Bleu RCFM, donc correspondant en Corse du quotidien Le Monde, et après avoir assumé pendant 3 ans une émission de rédacteur en chef au sein du quotidien Corse Matin. Vous êtes aussi l'auteur et réalisateur d'un documentaire en 52 minutes sur une dynastie politique héréditaire intitulée « Rocasser, l'héritage du pouvoir », bientôt diffusé sur France 3. Voilà. Nous allons aborder, donc vous connaissez bien l'affaire, vous connaissez bien la Corse, nous allons aborder avec vous cette situation de violence et de manifestation sur votre île depuis l'annonce du décès d'Ivan Colonna. À tel point d'ailleurs qu'on en oublie parfois qu'il était jugé pour le meurtre de Claude Erignac. Alors, vu du continent, Ivan Colonna était avant tout un militant radical, condamné à la réclusion à perpétuité pour avoir assassiné un préfet. Vu de Corse maintenant, que représente-t-il, notamment pour les jeunes qui finalement ne l'ont pas connu? Est-ce qu'il y a un imaginaire puissant autour de Colonna? Oui, autour de la figure d'Ivan Colonna, il y a la construction d'un mythe, d'un martyr politique, par des jeunes, vous l'avez dit, qui finalement sont nés après l'assassinat du préfet Erignac, après 98, et qui n'ont pas connu ce traumatisme qui avait agité à l'époque la Corse, et le reste bien sûr de la population française. Donc il y a effectivement ce mouvement qui est très puissant, qui est né dès le 2 mars, dès l'agression mortelle d'Ivan Colonna dans sa prison d'Arles, et qui a petit à petit cristallisé le ressentiment et les aspirations politiques de cette jeunesse nationaliste. En même temps, pour les Corses, l'attaque de Colonna, En même temps, pour les Corses, Colonna était victime en prison d'un manque de surveillance, d'une promiscuité qui était potentiellement dangereuse pour lui. Est-ce que c'est le message qu'envoient les Corses en ce moment dans la rue? Est-ce que c'est le principal message? Est-ce que c'est le seul? Alors, il y a plusieurs messages, effectivement, mais le premier message qui était véhiculé par cette jeunesse, c'était de demander la vérité et la justice pour Ivan Colonna. La vérité, c'est-à-dire de savoir ce qui s'est réellement passé dans cette salle de sport le 2 mars. Aujourd'hui, il y a 3 enquêtes qui sont en cours. Une enquête administrative, une enquête parlementaire et bien sûr l'enquête judiciaire. Et l'enquête parlementaire, eh bien, on se rend compte qu'il y a pas mal de zones d'ombre, notamment sur la personnalité de l'homme qui a reconnu avoir agressé mortellement Ivan Colonna, Franck Elongabé, un djihadiste. Le quotidien Le Monde a révélé notamment que l'administration pénitentiaire avait eu connaissance de 29 faits le concernant, dont une prise d'otage, dont des agressions. Comment cet homme pouvait-il se trouver là, exercer des fonctions d'auxiliaire dans la salle de sport et se balader librement et rester seul avec Ivan Colonna dans une pièce? Ça, ce sont des questions qui ont agité l'opinion corse, qui parfois y a vu une sorte de, peut-être, de complot, en tout cas, il y avait matière à discussion. Complot, genre l'homme qui en savait trop. Donc, genre, effectivement, il y a eu au départ des discours politiques, je pense à celui de Gilles Simeone, qui laissait planer le doute d'un acte de barbouzerie. Alors, il ne l'a pas dit nommément, mais il y avait cette insinuation en comparant des affaires précédentes où, parler un peu forcé, mais avec l'affaire des paillotes, où on voyait que le préfet Bernard Bonnet, qui était insoupçonnable, s'était révélé commettre une action en dehors du cadre de la légalité. Donc là, effectivement, quand le président de l'exécutif demandait de la clarification autour de cette cette affaire. Il insinuait aussi que Franck Elongabé ait pu être déclenché par des forces obscures de l'État qui auraient pu s'agiter. En tout cas, rien n'était clair. Et ces remarques du début, qui ensuite ont été bien sûr amoindries, qui ont été adoucies par la suite, montraient un petit peu le climat de torpeur qui régnait en Corse. Alors, plus précisément, est-ce que l'idée selon laquelle Ivan Colonna aurait pu parler, se confier, c'est pour ça que j'ai dit l'homme qui en savait trop, est-ce que cette idée qui aurait débouché sur son assassinat est une idée qui fait son chemin, ou est-ce qu'on est là dans la théorie du complot? Que dit-on encore sur ce point-là? Il y a beaucoup de confusion aujourd'hui encore autour de ce sujet, et justement la parole de la justice est très importante pour clarifier. Bien entendu, le temps judiciaire est très long et va demander des clarifications. Donc ce sont les parlementaires qui au départ se sont emparés du sujet au sein de la commission d'enquête et qui ont essayé de comprendre les défaillances au sein de la maison centrale d'Arles et d'essayer d'en comprendre les implications. Est-ce que Ivan Colonna était effectivement une cible? Bon, ça c'est une question qui reste en suspens. Mais aujourd'hui, ce qui semble quand même être un peu clair, si on écoute en tout cas les propos du directeur de la centrale d'Arles, c'est que peut-être que Franck Elongabé, son agresseur, voulait se payer, et je le cite en employant ce mot, quelqu'un de célèbre, quelqu'un de connu. Donc il y a peut-être quelque chose malheureusement qui est de la malheureuse concomitance. Alors, ces prisonniers corses qui demandent pour la plupart à être internés dans une prison corse, hein, ceux qui sont emprisonnés sur le continent, pour pouvoir voir leur famille plus souvent, c'est une demande qui pourrait paraître logique. Pourquoi dans le cas de Colonna, cette mesure n'a pas pu être exécutée? Alors c'est une demande qui est non seulement logique, mais légitime et légale, puisqu'elle est encadrée par une circulaire européenne et par le droit français, c'est le rapprochement familial. Un Breton qui braque une banque à Nice peut être détenu à Brest ou Nantes, c'est tout à fait normal. Dans le cas des détenus corses, et en particulier des détenus du commando Erignac, cela n'a pas été possible, et l'argument qui a été servi depuis 20 ans par tous les gouvernements était que la prison de Borg, ou à côté de Bastia, surnommée dans le jargon le Club Med, ne réunissait pas les conditions suffisantes pour les accueillir. Et cet argument a été souvent vécu comme une injustice par ces détenus qui donc ne pouvaient pas rentrer chez eux. Donc cette double injustice a été portée par des associations de soutien des prisonniers qui sont appelés par les nationalistes politiques, et ça a tout à fait brouillé le jeu. Et j'ajoute que dernièrement, c'était le statut de détenu particulièrement signalé qui concernait les trois prisonniers du commando Erignac, à l'époque, donc quand Ivan Colonna était encore vivant, monsieur Alain Ferrand et monsieur Pierre Alessandri, ne pouvaient pas donc rentrer dans l'île. Ce statut dépendait directement du Premier ministre, puisque le garde des Sceaux, étant l'ancien avocat du commando, n'avait pu se prononcer et s'était déporté pour éviter un conflit d'intérêts. Donc finalement, la question de leur rapprochement était devenue éminemment politique, et ces détenus sont devenus, par la force des choses, politiques ou à tout le moins politisés. À ce propos, de la prison de Borgo, qu'on avait qualifiée de passoire il y a quelques années, qu'en est-il réellement? Entre le fantasme et la réalité? C'est une prison effectivement qui a connu pas mal d'évasions, qui a défrayé la chronique, mais c'est une prison qui avait la particularité de garder les portes de ses cellules ouvertes. Aujourd'hui, il y a des travaux qui ont été lancés après l'agression par un détenu de deux surveillants, et il y a à peu près 400 caméras qui vont équiper l'ensemble du centre de détention. Donc celui-ci est prêt à recevoir Pierre Alessandri et Alain Ferrandi, les deux dernier prisonnier du commando Erignac, ces prochains jours, au mois d'avril. Et aujourd'hui, c'est une prison qui est tout à fait en mesure de les accueillir. Et encore une fois, le risque d'évasion qui était soulevé un temps par l'administration pénitentiaire ou la justice semble peu probable. Paul Ortoli, on se retrouve dans 3 minutes. Ne quittez pas surtout, après avoir écouté Pete Doherty, épidémiologiste. The best laid plans can oft go to fuckery. Run down B&Bs can turn to luxury. A wish that is wasted still can be granted. Hope that is doped still can be planted. I search and I search I lurch headlong into atrocities with an exponential no need to epidemiology. Little pink Enzo, little blue Benzos, hip hop, bebop, all blues and punk rock. Heads that are shrunken still can be clever. Ships that are sunken still can hold treasure. I search and search and lurch headlong into atrocities. The velocity no only to very few rational. With an exponential known only to epidemiology. Dashiell Hammond, Emile Lejeune, Peter Lorre, Humphrey Bogart. Paul Ortoli, vous êtes en Corse, toujours en Corse, pour parler justement avec nous de la situation sur l'île. Revenons au début de cette histoire, à l'assassinat du préfet Erignac. Lors de la première diffusion de ce récit, notre invité d'alors, Jean-Michel Verne, avait dit « Le terrible assassinat de Claude Erignac a prouvé que la Corse changeait d'air, que tout devenait possible, surtout le pire. Est-ce que cet assassinat est le point ultime de la violence en Corse depuis, disons, le début du combat nationaliste à Léria, en 1975? Le combat nationaliste, vous l'avez dit, a débuté véritablement en 75 à Léria et a été émaillé d'à peu près 10 000 attentats à l'explosif, mais également de pas mal d'assassinats et d'une guerre fratricide dans les années 90. Effectivement, le 6 février 98 marque un point de bascule important puisque c'est le plus haut représentant de l'État qui est visé. Et on voit que tous ces marqueurs, 75, 98... et aujourd'hui, l'assassinat d'Ivan Colonne 2022, tous les 20 ans, marque des moments importants dans l'histoire de la Corse. Et on ne sait pas ce qui va se passer par la suite, c'est-à-dire ce qu'il va advenir aujourd'hui dans la société corse aujourd'hui. Et comment analysez-vous le point de bascule? On a compris le point de bascule, l'assassinat du préfet. Pourquoi on est arrivé là? Qu'est-ce qui s'est passé pour passer cette frontière-là jusqu'à tuer un préfet? Non. Si on revient à la revendication du commando 3 jours après l'assassinat du préfet, finalement, il revendique un acte parfaitement réfléchi et hautement politique. D'une part, intervenant pour se mettre à l'écart du mouvement nationaliste qu'il estime dévoyé, avec discussions avec l'État, avec une dérive mafieuse, ce sont en tout cas ce que dit le commando. Et donc, ils veulent provoquer, en tapant au cœur de l'État, un sursaut dans la population et une vague de répression, finalement, elle est intervenue, puisque, à la suite de l'assassinat du préfet Erignac, Jean-Pierre Chevènement, ministre de l'Intérieur, qui avait décrété qu'il s'agissait d'une cause sacrée, avait nommé le préfet tristement célèbre Bernard Bonnet pour rétablir l'état de droit en Corse. Et finalement, la logique du pire du commando ne s'est pas réalisée, puisque, à la suite de l'assassinat du préfet, 40 000 Corses défiler dans la rue pour protester contre cet homicide, mais d'autre part, le mouvement nationaliste s'est ensuite reconfiguré pour protester contre cette vague répression aveugle qui avait agité la Corse. Donc, finalement, il y a toujours eu cette double hésitation dans l'île depuis, entre la condamnation de l'assassinat du préfet par l'ensemble de la classe politique, de la société civile, mais d'autre part, avec cette politique de répression trop importante. Je rappelle que il y avait eu à peu près 350 gardes à vue, 48 mises en examen, 19 mises sous écrou lors de l'enquête sur l'assassinat du préfet Erignac. Alors, ce qui a ajouté à la confusion, bien sûr, c'est la cavale de Colonna. On va écouter ensemble une archive. Il s'agit de l'un de ses avocats qui s'exprime, en l'occurrence Éric Dupont-Moretti, lors du procès en 2011. J'apprends que les membres du commando et que leurs femmes ont été interpellées le 21 et je me sauve pas. Je passe à la banque, je suis vu par des tas de gens, ma téléphonie démontre que je ne me suis pas sauvé. Alors vous comprenez, la difficulté, c'est toujours pareil. c'est la façon dont on appréhende la présomption d'innocence. Si l'on veut regarder obstinément Ivan Colonna comme un coupable, je vous garantis qu'on va trouver. Si on veut, ne fût-ce que 5 minutes en un mois, se dire que cet homme est peut-être innocent, voire innocent, alors il y a un certain nombre de choses qui s'expliquent. La présomption d'innocence, au sens vrai du terme, c'est ce que je suggère ici. Que 5 minutes, on essaie enfin d'entendre cet homme. Alors effectivement, la position de Colonna a toujours été la même, il a toujours crié son innocence, sa défense a longtemps insisté sur l'absence de preuves matérielles, c'est vrai que c'est un argument fort pour les Corses, et il tient encore, j'imagine. Alors effectivement, l'innocence d'Ivan Colonna est quelque chose qui a marqué durablement l'opinion corse, mais je rappelle quand même que le deuxième procès en 2009 avait été annulé, ce qui avait également montré qu'il y avait des éléments à décharge en ce qui concerne Ivan Colonna. Ce d'autant que les membres du commando avaient eux revendiqué, ou du moins la plupart revendiqué cet acte politique, mais qu'Ivan Colonna n'a pas du tout été dans la même ligne de défense que lors de sa cavale, l'un des membres du commando, Pierre Alessandri, s'était accusé d'avoir été le tireur. Donc il y a toujours un doute raisonnable qui existe, et certains en Corse seraient même prêts à demander la révision du procès, quelque part. Après l'assassinat de Colonna dans sa prison d'Arles, enfin il est mort trois semaines après, hein, le ministre Darmanin est venu en Corse, le ministre de l'Intérieur, pour parler autonomie. Une délégation d'ailleurs, une Corse, devait venir à Paris vendredi pour avancer sur ce thème. Or depuis la dernière manifestation à Ajaccio dimanche, la réunion a été reportée encore une fois. Est-ce que les nationalistes veulent vraiment négocier ? Oui, vous l'avez dit, la réunion qui devait se tenir le 8 avril, place Beauvau, a été ajournée en raison des violences. Le ministre de l'Intérieur était venu en Corse du 16 au 18 mars pour effectivement ouvrir les conditions d'un dialogue en posant un préalable, l'arrêt des violences, des émeutes. Et effectivement, depuis, les élus nationalistes ont tenu un double discours. C'est-à-dire qu'effectivement, ils ont appelé de leur vœu ces négociations. Certains ont placé la barre des négociations très haut, en demandant d'ores et déjà reconnaissance du peuple corse, de la langue, enfin bref, mettant un petit peu la charrue avant les bœufs. Mais d'autre part, ces mêmes nationalistes étaient présents dans les cortèges où ont défilé sous une banderole « Stat ou Frances assassine, État français assassin », où des propos anti-français, anti-gouvernement étaient tenus, et les photos de Gilles Simeone, le président de l'exécutif, portant le cercueil d'Ivan Colonna dès son arrivée à Ajaccio, ont choqué et font poser la question au plus représentant de l'État de savoir s'il est le bon interlocuteur pour avancer dans cette négociation. Alors ça passe aussi par la sémantique, la compréhension des choses, et beaucoup de continentaux, certains continentaux ont du mal à faire la différence entre les idées nationalistes, autonomistes, indépendantistes. Que veulent-ils au bout du compte ? Les autonomistes veulent le pouvoir législatif. Une professeure de droit, Vanda Mastor, a d'ailleurs en ce sens rédigé un rapport sur l'autonomie qui sert un petit peu de feuille de route à l'exécutif. Donc, en clair, une plus grande autonomie comme la Sardaigne ou la Sicile, pouvoir décider d'avoir des compétences élargies, adapter même les lois de la République au territoire insulaire, tout en étant rattaché, c'est-à-dire que l'État conserve ses prérogatives régaliennes. Les indépendantistes, eux, veulent considérer que la Corse est une nation et qu'elle doit s'autodéterminer et donc ne plus avoir de lien avec la France. Mais quel est ça, c'est la ligne de fracture qui a toujours existé depuis les débuts du nationalisme. Mais quel est le camp le plus fort entre les deux ? Alors le camp le plus fort, c'est celui des autonomistes, puisque Gilles Simeone ne demande pas l'indépendance, il demande l'autonomie. Au mois de juin, il a été réélu pour la deuxième fois, avec une majorité absolue, et en écartant de la majorité la coalition des indépendantistes, d'une part, et de son allié autonomiste, Jean-Christophe Angelini. Donc ils ne font plus partie de la majorité territoriale. Donc indéniablement, Gilles Simeone est le patron de la Corse, et sur son nom, je dirais, se sont ajoutés des votes qui ne partagent pas forcément le point de vue autonomiste. C'est-à-dire c'est un modéré. C'est pas un radical. Bien, merci infiniment en tout cas Paul Ortoli pour les éclairages que vous nous avez apportés sur la Corse et de Corse. Au revoir. Merci. Merci. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat du préfet Erignac. Une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Jérémy Kaufmann.